23.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez, comme d'habitude, suivant les indications. Robert est assis sur un banc du jardin du Luxembourg, parlant avec Marie-Laure. Mireille arrive. Elle semble un peu surprise de les trouver là. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? On parle. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'air bizarre. Nous ? On a l'air bizarre ? Bizarre. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. Ah oui ? D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre, que je ne comprenais pas très bien. Ah, ça devait être conception, Narbonne. Elle est portugaise, c'est une perle. C'est une excellente cuisinière. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Marano aussi, d'ailleurs. Robert est assis sur un banc, parlant avec Marie-Laure. Où sont Robert et Marie-Laure ? Sur un banc du jardin du Luxembourg. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. À qui Robert vient-il de téléphoner ? Au Courtois. D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre. Je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre. Qui a répondu au téléphone ? Une dame avec un accent bizarre. Elle est portugaise. Pourquoi Concepcion a-t-elle un accent quand elle parle français ? Parce qu'elle est portugaise. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Qu'est-ce que Concepcion fait remarquablement bien ? La cuisine. Je retéléphone un peu plus tard. Là, j'ai eu Madame Courtois. Et j'ai aussi du mal à la comprendre. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Non, mais oulala, qu'elle parle vite et qu'elle est bavarde. Ah, ça, c'est vrai, elle parle beaucoup. Enfin, quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Alors, quand il n'est pas là, elle profite. Je n'ai pas pu placer un mot. Enfin, il paraît que M. Courtois est absent. Il est en voyage. Minouche ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Ou quelque chose comme ça. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Alors, ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. C'est gentil. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. J'ai eu du mal. J'ai eu aussi du mal à la comprendre. Ouh là là, ce qu'elle parle vite. Oh, ce qu'elle parle vite. Elle parle vite. Ce qu'elle parle vite. Oh là là, ce qu'elle parle vite. Et qu'elle est bavarde. Qu'elle est bavarde. Pourquoi Madame Courtois est-elle aussi plutôt difficile à comprendre ? Parce qu'elle parle vite et qu'elle est bavarde. Il paraît que M. Courtois est absent. M. Courtois est absent. Il est en voyage. Où est M. Courtois ? En voyage. Minouche ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Elle a la migraine ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Comment va Minouche ? Elle ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Où Madame Courtois doit-elle amener Minouche ? Chez le vétérinaire. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. Quand Robert est-il invité à dîner chez les Courtois ? Après-demain.